misimo ye ye ozala nani ozala nani tokyo zo luka ukabula ngana John toko bebana eko inga toko panzana likolo ya John toko le likolo ya John toko le alza carburant ya bomo inanga yi John toko l'étoile de ma vie, lumière qui éclaire mes sentiers. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Très aigué, trésor chauvouya, entrea au Kemba, manga mofoudé. Jour après jour, n'azote pas. Ouais. Na nuage, ya bolingo na yo. Jour après jour, na zonana. Na mapata, yalo la monayo. Il gagne, il a plus fort que moi. Amour na yo, il onginga yo. Christian Mava. Mon solo, yo yali benga na yo moko. Epe ki sa ka dinite nzuluka. Mon solo, yo ya kose la. Boss Djuma. Mingi mingi, kutaka muto. Asya samwaki. Asya bungi sa kili tanga ya suka dinite na yo. Jale tokole. Jean-Pierre Lola Kisanga. Papa Médard. Aouchai. Popo Michelie de Kakanelo Teo. Et Tontonta. Izala Kape Anambo Teo. Philippe Nalo. Naboy Babolingo. Yako Defa Defa. Nalingyo Zala Yanga Libela. Yalibela, yeah, yeah. Yalibela, Johnny Tokole. Yalibela, Albert Mboyo. Il est bon, il est fort, il est très puissant. Énergie na yele qui a barrage à Inga. Magnétisme na yele qui a plutonium. Enrichi à 100%. États-Unis, Atika, Kotouisa, Iran, Atunisa, John. Au hasard, plus que puissance nucléaire, John est tokolé. L'homme au grand cœur, le très spécial Jean-Dominique Okemba. Autour de lui, bah, fluvia, bah, fleur inconnue. Sur la malassina, énigme insoluble. Va, va, son. Allez, là, yo, tokolé. Maître Joël Tchalakoy. Nenge makako amataka nanjete Bolingo ne matelinga yi. Nenge baleto nakama inamboka oyongula elula. Bolingo ne tonelinga yi meke. Nenge mbeli amote pasola kamanteka o. Bolingo ne pasolinga yi motema. Jone tokole. S.O.S. Patrick Chimama. Iceberg. Nali pour moi mama bazali ningyo. Wa wa wa. Fami noble papa kolisa bango malamu. Oluki John tokole o meminde ngambo akanga boyoma. Akanga boyoma e wa wa. Patrick Bologna. Salunyo sokuma samwe. John tokole. Mwinda ya boyoma. Papa na Debora. Mwinda ya boyoma. Patrick Joel. Jeuni Mobania Rena Bel Kayana Mote Mama Miso Yena Mwinda ya Boyoma Maître Dorothée Matia Ikikoi Unité Centrale Manichi Mama Medaka Dimana Boyoma Jantokole Mwinda Nama. Flash. Je Flash. 5 ans de silence. Spot. Honorable Dida Sempembe ya Mama Lina. Clara Jandini. Kani Bo Kombe. Wabelo Rambo. Samba. Jantokole Mwinda Nama. Afifi Mondek, Flash, Via Flash, Nova, Flash, Spot, CG Liévin ou Toya Zambeke, Docteur Evaristi Bongia, Honorable Gaston Monsemena, Mwinda Boyoma, Adolphe Mutombo, Vinanga Ezwinzela, Bonayo John Tokole, Solimat, Bilo Komi Balelelo et Komi Definitive na Vinanga, Bolingo na yo, Alba, Ntima na yo, Lokumba, Lele toi, tout est rose, Emery Mukeba, tu as du charme dans sa combo, José Kalibou, Na Zofogé, Na Bonheur Total, Bonayo John Tokole, Mike Tamwe, Boza Minda Boyoma, Mol Sak Molino Sakomi, Makome Lolanda Boko Kikoba Lola Nanko, Ivo Kota, Kasimbangu ya Sanga Pia Mui Boko Kanga, Nenge Nini Robotika Ko Force Nature, John Tokole Azawanga, Leticia Nzongu, Lise Soelo Bakami Bali Batonda Kateo, Chulo Amo, Expire Lelo Yo Pona John Tokole, Mol Mol Sera Bui, Molin, Tendresse à vous, qui sont ma femme à vous, à la cadeau, bon que c'est ni les alliés, Mouinda à vous, on signe Katanga, elle passe à vous, Kabamba Katanga, Liboche, Jean-Jacques Lomana, DTS. Blaise Mawete, le silencieux, Sport, Magali Talo, Maga, Oseka Nabinonga, Bomona Nabinonga, moi c'est Soba, Naboli mon ami Soba, Kotika la Bapaya Libela, Zéro, Simon Kankolo, Imana Elo, Mwena Bouillon, Emmanuel Ikaya, Mwena Bouyoma, Jonto Kole, Mwena Nama, Osango El Griko, Bifle Vifaloum, Jonto Sport, Jean-Pierre Liaou, le cerveau d'État, ensemble. Jean-René Golo, Abeta Pauvreté Liko Fikao. Rami Amissi, Inchala. Alors, et Angola, Gaous Kebe, Moïse Bilolo, Mississippi, le jeune millionnaire. Don't tokole, mwana papa ilongo, mwana mama Bernadette Yena, mwana bambole, mwana bambole, mwana bambole, mambo masi ya solution. J'ai le coulis à mes rêves. Fanfan Lukengu, y'a Wilfried Makengo. Christian Omari, le bailleur du financement de la culture. Elias Kanila, Rebecca Boula, Mouyomba Ramazani Masoudi Kilele, Bigoje. Tout le monde est moué. Manu Lukimu, le prince Eric Longui, JP Essia, Willy Cholé, Angèle Nyandapou, Miyamamoto, première dame de Bermuda.